Salut les marques et les smarks et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catch Up spécial Elimination Chamber, le pay-per-view dédié à la brand SmackDown. Nous allons vous résumer et analyser ce qui s'est passé lors de ce pay-per-view avec toute la fine équipe, ou du moins la crème de la crème hein, de Catch Up. Nommé donc Giscal, salut Giscal. Salut Yarem, salut tout le monde. L'amiral Armbar, salut amiral. Salut. Et Ringside, salut Ringside. Donc voilà, on a vraiment le top du top. Là, on a le top. Voilà, c'est une façon de savoir si les autres vont écouter ce podcast ou pas. Oui. Elimination Chamber, qui avait lieu 2 semaines après le Royal Rumble, donc il n'y avait pas vraiment le temps de se reposer. C'était le 12 février 2017 à Phoenix, en Arizona. Au menu de cet épisode, une nouvelle chambre d'élimination, un nouveau design. On a enfin compris la stipulation du match tag team et elle était cool. Le match Natalia versus Nikki a duré plus longtemps que le match pour le titre. Mickey James est la MILF préférée de Hunk. Ziggler organise des commandes groupées de chaises sur deallabs.com. Oui, un menu, c'est n'importe quoi ce menu. J'espère que vous avez tous envie. J'ai découvert qu'en kick-off, il y avait eu un match entre Mojo Rawley et Kurt Hawkins et que Mojo Rawley a gagné. Voilà. C'est important. Il y a d'autres commentaires. It's time to face the facts. Une meilleure façon de commencer un pay-per-view, c'est plutôt effectivement de nous proposer un match tel que Mickey James versus Becky Lynch. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le public était plutôt chaud hein, pour ce match. Donc on a Becky Lynch qui affronte Mickey James. Becky Lynch qui commence à balancer un diving forearm sur Mickey. Mickey qui place un DDT sur Becky Lynch, puis entreprend d'attaquer le bras de Becky Lynch à son tour. Les deux femmes tentent un petit peu de se faire mal au bras l'une après l'autre. Mais Mickey James est globalement, de toute façon, dans ce match, un peu plus efficace que Becky Lynch, hein, malgré tous les uppercuts, les forearms, les lariats, les clotheslines balancés par l'Irlandaise. C'est bien Mickey James hein, qui mène l'affrontement. Place notamment une City Senton pour le compte de deux. Mais Becky Lynch réplique par un missile dropkick également pour le compte de deux. Le match s'emballe enfin. Becky Lynch contre un DDT. Les deux tentent un roll-up et c'est bien Becky Lynch qui remporte la mise avec cette espèce de jackknife là, pin ouais, sans tambour ni trompette. Dans un match globalement dominé par la fameuse MILF dont parlait Hunk sur le chat sur le chat privé. Mais voilà, hein, ce qui est sur le chat privé ne reste pas sur le chat privé. Mickey James des grands jours hein, en tout cas j'ai trouvé, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Et Becky Lynch qui finalement a réussi un petit peu à sauver la victoire alors qu'elle était un petit peu malmenée par l'ancienne championne. On va commencer avec Giscal. Giscal, qu'as-tu pensé de cet affrontement? C'était un bon opener dans le sens où il a rempli son rôle. La foule était très chaude et je trouve que Becky Lynch a fait un sacré boulot de face en péril, comme on dit, hein, sur ce match. Je trouvais que elle a vraiment le talent pour faire ça, hein, de se faire malmener pendant tout un match et d'attirer la sympathie. On a envie de la voir réagir, de la voir remonter, se remettre sur ses pieds et vaincre. Donc du coup, il y avait une belle ambiance dans ce match-là. La dynamique était plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était étrangement très fortement à l'avantage de Mickey James. Elle a été quand même bookée très très forte dans ce match. Peut-être un peu trop au goût de certains. C'est vrai que est-ce qu'elle avait besoin d'être aussi dominante par rapport à une Becky Lynch qui, au final, vole un petit peu une victoire, quoi. C'est vrai qu'elle s'en sort, du bout des ongles. Donc c'était peut-être un petit peu too much de ce niveau-là, mais j'ai quand même plutôt bien aimé le fait que Mickey James, elle revient. Elle a besoin quand même de faire un petit peu ses preuves. Il y a, je pense, une large majorité du public qui n'a peut-être, du public plus jeune qui n'a pas connu les exploits de Mickey James dans le passé, avait peut-être besoin de se faire replanter un peu le décor. Donc, de ce côté-là, je trouve que le match a été vraiment bon, hein, parce que Mickey James a été au top. C'était très propre, hein. J'ai pas en tête d'horreur. Il y a eu plutôt des beaux spots, mais voilà, grosse domination. Becky Lynch qui est parfaite dans ce rôle, hein, de face en péril, et bah, au final une victoire qui du coup a priori entraîne la suite de cette histoire. Je trouvais que c'était plutôt un bon opener, voilà, peut-être avec la seule réserve, comme tu dis, domination peut-être trop forte de Mickie James, mais dans Bah, on va l'ensemble. voir ce que Amiral en pense, justement, ce que toi, si tu as trouvé, Amiral, que Mickie James a trop dominé la rencontre et que finalement Becky Lynch, bon voilà, effectivement, elle a joué ce face en péril. Est-ce que t'es un peu too much pour toi? Est-ce que tu as kiffé Non. encore le pantalon de Mickie James? Exactement, je m'en remets toujours pas de Ouais. ses habits de ring, hein. Je sais pas, ces Ça, par contre, elle pourrait Converse. peut-être changer, ouais. Ah ouais, non, mais les Converse shiny, brillantes argentées, sans pantalon, pas de def, genre du Macumba Night, je sais pas d'où ça vient, avec sa musique d'intro qui est clairement une musique face. Je trouve que ça ne marche pas. Moi, je n'adhère pas au retour de Mickie James de cette façon-là, SmackDown. Je trouve la faire revenir en Luchadora. Je trouve que ça ne marche pas. Pourtant, l'angle qu'elle a de dire, oui, la nouvelle génération des women, sans oublier l'ancienne, je suis là pour rappeler qu'on a fait aussi des trucs bien. Ok, mais la façon dont ils l'ont fait par la petite porte de Luchadora, j'apprécie pas du tout. Le match en lui-même était pas mal. Bon, Becky Lynch, ouais, elle excelle dans ce côté de. C'est une face, hein, donc une face qu'on veut voir galérer finalement. Une fois qu'elle a le titre, on l'a vu, c'est moins intéressant, donc pourquoi pas. Après le match, j'ai pas trouvé ça. Ouais, un opener, pourquoi pas. Oui, alors il faut que le dire, Hank a trouvé ce match excellent, Ouais, voilà. alors ça, par contre, C'est tout ce que j'ai à dire de je bien serais sur pas ce match, judicieux c'est que là, hein. Je Hank a pense dit qu'il qu'il était était excellent. aveuglé par la Voilà. beauté Ouais. de cette Et qui, cinquantenaire qui est ouais, Mickie qui James. pareil, ne me frappe pas spécialement, mais bon. Les goûts et les couleurs. Ouais, c'est ça. Donc non, pas grand-chose à dire sur ce match. Bon, en opener, voilà, mais comme je disais, Mickie James, faut repackager un peu tout ça, je pense, que ce soit intéressant. Alors, Ringside, pour toi, est-ce que c'est la MILF parfaite? Ah, elle a des atouts non négligeables, hein, effectivement. Mais pour plutôt en revenir au match, bon, on enregistre le jour de la Saint-Valentin, hein, donc Tu ne l'auras pas je vais avec ce essayer de rester maquillage. romantique, vous voyez. Ah bah tu es notre caution sentimentale C'est ça. attitrée ringside. Hein. Sentimental. Ouais, bah, moi, le match là, il a donné le ton un peu de la soirée pour tout ce qui concerne pas le main event. Hein. C'était pas dégueulasse, mais c'était trop long. Il n'y avait pas de spot waouh qu'on retiendra. Hein. Ça va être très très vite oublié. Mickie James, effectivement, bah, elle a peut-être été survendue, hein, parce que finalement les gens n'ont pas l'air de trop se souvenir de qui c'était. La soi-disant Diva Division d'il y a 10 ans, qui soi-disant qui faisait des bons trucs et tout ça, moi je veux bien, mais j'en ai pas souvenir. Donc voilà, au final, c'est un peu. Le match est bien parce qu'il. Il raconte quand même une histoire, vu que Mickie James s'attaque au bras de Becky Lynch. Donc ça suffit déjà à faire un match correct. Elle a Maintenant, le désarmé le disarmeur. voilà, Qui du n'a coup, elle ne pas peut pas été percer le porté une seule fois. disarmeur. Voilà, donc elle reste assez forte, Mickie James, dans sa défaite. C'est une petite victoire de Becky Lynch. Mais bon, on aurait peut-être préféré une victoire de Mickie James. Toute la soirée, les finishes sont un peu bizarrement bookés. Et celui de ce soir, hein, C'est ça, vrai. enfin, de ce topner là, ça ne, c'est le premier exemple. Voilà, après, c'est pas un match phénoménal, hein, donc un peu déçu. Hein, je crois que c'était trop long, comme pas mal de matchs dans la soirée. Alors le match a duré une douzaine de minutes, donc il était Ouais. également plus long que le match pour le titre, ça on le verra un peu plus tard. Vous avez parlé de finish un peu controverse ou un peu étrange, ben le match qui suit va pas forcément déroger à cette règle, puisqu'il s'agit de Dolph Ziggler qui a affronté en un contre deux Kalisto et Apollo Crews. Kalisto qui va pas faire long feu, puisque Ziggler s'attaque directement au luchador qui fait des lucha things, le flop 2016 pour l'amiral Armbar. Voilà, je suis A fan, je suis percé fan. Lucha Flix dans le Titan Tron. Voilà, il a cassé les diodes à 100 000 $ la diode Ouais, lumineuse. là, ça a dû coûter cher ce spot, hein. Je sais pas si c'est un écran LED ou. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, ouais, c'est des LED, oui. Bref, donc Kalisto est mis KO pendant, en tout cas, dès le début de ce match. Donc, du coup, ça se transforme assez en un contre un entre Ziggler, Dark Ziggler, hein, qui affronte donc Apollo Fucking Crews. Dark Ziggler, donc le nouveau Dark Ziggler, c'est vraiment ce côté son passé de lutte, hein, le pro wrestling, non, l'amateur wrestling, justement. Mmh. Bah, voilà. Le catcheur chiant un peu. Le catcheur chiant un peu, voilà. Et vas-y, que je te bloque tout. On a, ce soir, pas de fun. On va rester au sol. Donc, empêchant donc, le virevoltant Apollo de virevolter. Apollo Crews qui survit, hein, assez difficilement, parce que à chaque fois qu'il va contrer, finalement il n'y aura jamais vraiment un momentum qui dure. Dolph Ziggler revient rapidement à écourter par des neckbreakers par exemple. Vraiment, il est vraiment là pour casser l'ambiance, Dolph Ziggler. Kalisto finit par revenir, il s'est réveillé, voilà. Et du coup, va s'enchaîner assez rapidement la fin de ce match avec l'enziguri d'Apollo Crews, combiné à une cité de Santon de Kalisto. Il y a un tag qui est fait, powerbomb d'Apollo Crews sur Dolph Ziggler, 1, 2, 3, victoire de Kalisto et d'Apollo Crews, le vaillant heel est tombé sous les coups de boutoir des deux faces. Mais heureusement, hein, pour la morale, Dolph Ziggler se venge en brisant les chevilles d'Apollo sous les vivas de soulagement de la foule en délire qui ne demandait que ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette storyline complètement déjantée où on te fout un heel qui doit affronter deux faces qui est encouragé par la foule à détruire ses opposants. Amiral, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un changement de valeur là? Est-ce qu'on vient de faire une bascule en 2017? Je crois que 2017, avec l'arrivée de Trump, a tout changé dans le landscape de la WWE. Non, je pense qu'encore une fois, c'est un peu la tendance qu'on voit depuis quelques mois, de plus en plus dans les shows, hein, le public qui en fait un peu à sa tête, qui acclament et huent qui ils veulent. Ils vont huer des fesses comme le gros chien à Raw, hein, pour ceux qui le connaissent. Ils vont acclamer des heels parce que ils sont bons heels, tout simplement parce que les fesses qu'on leur met en face, et c'était le cas, je pense, ce soir dans ce match, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre d'Apollo Crews, ils en ont rien à foutre de Kalisto. Ils préfèrent Ziggler, donc Ziggler qui se lâche, qui sourit, qui devient orgueilleux, qui tape des chaises, etc. Bah ouais, ils applaudissent quoi. One more time, thank you Ziggler. Donc c'est vrai que là, c'est compliqué. Donc la WWE a beau faire des cadres serrés sur des petits enfants qui font oui, allez les gentils, ça ne marche pas, on n'est pas dupes. Donc voilà, après j'ai bien aimé sur le match en lui-même, Ziggler qui attaque directement Kalisto, qui pète Kalisto sur l'écran, c'est plutôt pas mal. Après, le finish, hein, encore une fois, comme le dit Hank, que lorsque c'est un heel contre un face et qu'il n'y a pas de ceinture en jeu ou d'enjeu particulier, généralement, c'est le face qui va gagner. Donc, 20 tentatives pour mettre over Apollo Fucky Crews, je pense que ça ne marchera pas. C'est pas le fait de vaincre Ziggler qui fera qu'il sera intéressant, c'est le fait de lui donner un personnage avec de la personnalité. Ouais, surtout qu'il a été aidé par Kalisto. Rickside, t'en as pensé quoi, toi? Non, moi j'ai rien compris à ce qu'ils ont fait là. Et naufrage complet du début à la fin. Effectivement, les gens acclament Ziggler, mais on met deux gentils pour affronter un méchant. Où est la logique? Je sais pas, ils sont complètement à côté de la plaque sur ce segment là. J'ai trouvé même que le public était bien gentil, hein, parce qu'ils auraient pu vraiment pourrir le match bien plus que ce qu'ils n'ont fait, hein. Ils ont effectivement encouragé Ziggler à la fin, ils l'ont remercié d'avoir cassé la cheville du pauvre Apollo Crews, hein, à coup de chaise. Apollo fucking Crews, excusez-moi. Oui, s'il vous plaît. Mais sinon, un peu de respect c'est... pour Apollo fucking Crews. il en reste plus beaucoup du respect. C'est ça. Kalisto et Apollo fucking Crews, ils sont enterrés. Ziggler, il n'a pas réussi son face turn. Le match, il était chiant. Franchement, Ziggler en mode là, shooter, je veux pas faire de trucs spectaculaires, c'est chiant à mourir. Il n'était pas long, hein, le match. Il durait 8 minutes, mais c'était interminable. Et puis Kalisto et son acting, c'est quand même un petit peu décourageant. Ah oui, j'aime bien parce que du coup, il vient en aide. Ah, il vient en boitant là. Oui, et puis à la fin, donc, Apollo Crews, Apollo freaking Crews s'est fait péter les deux chevilles, et donc t'as le corps arbitral qui vient avec les médecins ou voilà. Et, et t'as Kalisto qui fait arrêtez, lui touchez pas, le touchez pas, le touchez pas. Puis lui, il le touchait en même temps. Non, puis même juste avant ça, quand Kalisto revient sur le ring, il est là, il joue, il vend la blessure. Ok, pas de problème avec ça. Il monte sur le ring et commence à mettre des kicks dans tous les sens à Ziggler, genre ok, tout va mieux. J'ai pris un Doliprane il y a deux secondes, ça va, j'ai la pêche. C'est bon quoi. Ça a pris deux minutes pour faire effet. Ah ouais, ça ne marche pas quoi. Et toi, Giscal, alors est-ce que... non, je te vois faire non là. Non, je peux pas transformer le plomb. Je peux pas transformer le plomb en or. Je peux pas dire que c'était dingue. Je serais un peu moins sévère sur le match que ringside. Peut-être du fait que vraiment, en fait, j'en attendais tellement rien de ce match que du coup, j'ai trouvé ça correct. Ok, le petit rebondissement du début, je m'y attendais pas trop. La Ziggler qui fracasse Kalisto sur l'écran, c'était plutôt bien vu. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal au niveau de la foule. Tu sens qu'à la base ce match partait de loin et quand même la foule rentrait un petit peu dedans grâce à ça. Le match après derrière est très oubliable, mais ça restait assez correct sur la dynamique. C'est vrai que le booking, il s'était booké dans une impasse en fait, parce que soit Ziggler en fait gagne et fait passer les deux autres pour des cons, soit finalement les deux ils battent Ziggler à 2 contre 1 et ils en retirent rien en fait, puisqu'ils ont gagné à 2 contre 1 quoi. Donc en fait c'était juste tout l'angle, c'était d'ailleurs ils n'arrêtaient pas de le dire au micro, au commentaire, au Tunga, ils n'arrêtaient pas d'en parler, c'était ah bah ça lui apprendra à faire le malin à Ziggler, ça lui apprendra, ils sont à 2 contre 1 là, il a son pied dans la bouche comme ils disent littéralement les Américains là, ah il s'est bien fait baiser, ils sont 2 contre 1. Bon ok, si c'était juste ça je vois pas l'intérêt. Parce que bah, vous l'avez dit, mais en fait le gros souci c'est Amiral, c'est ce que tu as dit, mais c'est que les faces en face on s'en fout, donc du coup ça marche pas puisque on s'en fout d'Apollo Crews et de Kalisto, donc ça ne peut pas fonctionner, et la meilleure démonstration et l'échec du booking c'est à la fin, c'est les merci Ziggler du public, ce qui prouve que l'histoire marche sur la tête depuis le début, c'est puisque en fait, voilà, on s'en carre tellement de ces deux mecs que finalement, le public chante merci Ziggler quand un pauvre mec se fait fracasser la cheville par une chaise. Donc, c'est quand même triste. Donc, voilà, c'était très, très, très dispensable. Bon, alors, on va enchaîner avec ce que j'espère vous a peut-être un peu plus enthousiasmé, mais je n'en suis pas sûr puisqu'il s'agit... du match. Je fais dans l'ordre, donc voilà, pas de parti pris, je fais dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que le pay-per-view était un peu long au début. J'encourage nos auditeurs à ne pas lâcher, hein, faut aller jusqu'au bout. Never give up. Never give up, les gars, never give up. Donc on avait le titre de la division tag team qui était en jeu ce soir dans une stipulation que j'ai enfin comprise, qui est donc la Tag Team Championship Turmoil Match, qui consiste tout simplement à s'éliminer les uns après les autres, c'est-à-dire que deux équipes commencent le match, dès qu'une des deux prend le tombé ou une soumission, en tout cas est éliminée, une autre arrive, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Je n'ai pas compris. Je vous invite à mettre à jour la page Wikipédia de cette stipulation, c'est très mal expliqué, donc voilà, s'il y en a qui ont un compte Wikipédia... Ça s'appelle pas un gauntlet match, ça? Ouais, d'habitude. En fait, pour moi, c'est juste un gauntlet match, mais je sais pas pourquoi ils ont changé, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce voilà. Que Turmoil, tout s'explique. Turmoil, c'est le marketing. Chez IRM. Le marketing de Turmoil, merde. C'est la folie, c'est ça. Ils avaient peut-être imaginé autre chose, puis ils se sont dit finalement, non, on va faire un gauntlet. J'imagine, c'est dans la gorilla position, en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Pourquoi ils sont pas tous sur le ring? Ils ont pas compris la stipule. Pourquoi c'est pas grave. Ils se croient au Rumble ou quoi, les gars? Eux-mêmes n'ont pas compris. Non, mais c'est comme avant, c'était un I Quit match, maintenant c'est I Forfeit match. Ben, en 2017, ils rebrandent peut-être toutes leurs stipulations bizarres. Voilà, le marketing. Alors, c'est Slater et Rhino qui débutent face à Breezango, Fabrice, ça dépend des semaines. Donc, Slater qui se prend quelques contredanses par Fandango, le policier de la mode assermenté. Tyler Breeze entre à son tour, mais se fait cueillir rapidement par un gore de Rhino. Breezango est éliminé. Entrée des vaudevillains qui parviennent à isoler Slater, mais Rhino nous refait la même. Allez, bof, je te balance un gros gore sur Gotch et un DDT sur English de Slater. Les vaudevillains sont éliminés. Les choses à peu près sérieuses commencent enfin quand le theme song des Usos retentit. Slater et Rhino sont cramés à ce moment-là. Hein. Je vous la fais vite, mais c'est quand même, ça fait quand même presque 8 minutes. Et pour la division tag team, des matchs de 8 minutes, c'est beaucoup. Ils résistent vaillamment, hein, les premiers champions de SmackDown, mais se font éliminer après une petite séquence, la Samoan Drop, Blind Tag et Super Kick, qui les renvoie donc au vestiaire. En parlant de champions, à ce moment-là, c'est les American Alpha, hein, qui apparaissent sous le titantron, prêts à en découdre. Tout comme les Ouzo, hein, qui sont venus les chercher sur la rampe d'accès. Chad Gable, une fois encore, hein, va jouer le fameux face en péril. Il place quand même quelques prises. Hein, par exemple, un high cross assez sympa. Oh, le hot tag parvient, arrive. Jordan donc saute dans la mêlée. Distribue des drop kicks et des suplexes à qui en veut. On met alors en place le fameux Doomsday Bulldog, la prise à la chaise électrique, là, contrée par Jey Uso. Mais ce petit coquin de Chad Gable place le Samoan dans un petit paquet, un roll-up. Hein. Les Uso sont éliminés. Les Uso sont pas contents. Les Uso passent à tabac les American Alpha. Et puis bien en plus, hein, dure un bon petit moment. On y va. À ce moment-là, la musique de The Ascension retentit. Ils en profitent donc pour débarquer, mais ces cons-là ne parviendront jamais à capitaliser sur ce qui vient de se passer, et encore moins à s'emparer de cette offrande, un service sur un plateau d'argent. Gable et Jordan survivent, ils se relèvent, ils reprennent le dessus, finissent par placer leur Grand Amplitude. Victoire des Superman Gable et Jordan qui conservent le titre. Ringside. Qu'avez-vous pensé, mon bon monsieur, de ce voilà, de ce match impliquant la division tag team? Et est-ce que les The Ascension sont juste pas des gros cons là, qui ont juste pas été capables de gagner ce match quoi, qui était offert? Ouais, je crois qu'on peut le dire, hein, on peut tirer la conclusion que les The Ascension c'est vraiment des gros cons. Je peux même dire des tocards. Ah, oui, c'est jusque là, hein, pour être parler français. Pour être complet. Voilà. Ouais, bah non, hein, ils avaient gagné, je crois, à SmackDown au Go Home Show là, mais ouais. Ils avaient fait le tomber, ouais. Voilà. La première victoire en un an. Si peu d'illusions, mais ouais, voilà, on avait eu les fun facts. Oui. C'est pas des faits alternatifs, ça, ceux-là, ils sont vrais. Hein. C'est ça. Ouais, enfin, c'était difficile de croire quand même à une victoire de The Ascension qui aurait réussi à vaincre, même en arrivant en dernier. Quoique, on a eu un petit doute quand même après les AA se soient fait démonter là, par les Ouzo. Mais bon, non, c'est les American Alpha qui dominent. Le match, bah, c'est comme pour le reste de la soirée, c'était trop long. Il y avait un joli match au début. Moi, j'ai bien aimé quand Slater et Rhino affrontaient Breezango. Ça, c'était vraiment un moment sympa. C'était un des meilleurs moments de la soirée, je trouve. Oh. Après, les vaux de vilain, la pitié, hein, comme d'habitude. Voilà, il ne passera rien avec les vaudevilles, hein. À rester désespéré, c'est fini. S'ils finissent leur année, ce sera déjà bien. Et puis après, voilà, c'était gavant, quoi. Hein. On avait déjà un match, c'était assez long encore le passage avec les Rhino et Slater et le reste des équipes. Après, ça a enchaîné sur l'American Alpha. Commencer à affronter les Ouzo, ça commençait à se faire long, et puis une fois que les Ouzo étaient là, ben on savait que c'était l'Ascension qui serait derrière. Enfin, du moins, une fois que les American Alpha étaient là, donc il n'y avait plus trop de suspense, parce qu'on se doutait bien que les Ouzo n'allaient pas se retrouver face à The Ascension. Donc c'était, voilà, c'était trop prévisible, trop long, et puis, Chad Gable qui s'en mange toute la soirée, c'est dommage parce que du coup il fait pas de manœuvre. On l'aura pas beaucoup vu. Voilà, il a plus vendu qu'il n'a donné. Voilà, c'était assez décevant dans l'ensemble. Après, bon, ça a donné du boulot à tout le monde, c'est ça qui est sympa. Mais là, The Ascension s'est enterré définitivement, les vaudevillains aussi. Donc on espère quand même qu'on aura finalement une rivalité entre les Ouzo et les American Alpha. Avec un match standard, ce serait pas mal. Ah, pour ce soir, ils nous ont montré tout. Ils nous ont montré la division. Chacun a eu un petit peu de temps pour voilà, pour montrer ce qui valait. Je sais pas s'il y en a qui sont vraiment ressortis vainqueurs de tout ça, à part les American Alpha évidemment. Giscal, toi, qu'as-tu pensé de cette stipulation? Est-ce qu'elle a permis de mettre en avant les équipes ou au contraire, ça les a un peu ça a un peu été contre eux, quoi, finalement. Ouais, elle est un peu bâtarde, cette stipulation, en fait. Moi, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Surtout quand on a des champions face, en fait, parce que d'une part, si, déjà, alors déjà sur la stipulation elle-même, en fait, si tu as des champions, l'ordre d'arrivée n'est absolument pas justifié, donc du coup, bon, là, ils ont coupé la poire en deux, les champions sont arrivés au milieu. Mais c'est vrai que s'ils arrivent au début, tu te dis, bah, c'est pas juste pour eux et ils vont apparaître comme des Superman s'ils finissent par gagner. S'ils arrivent à la fin, d'où les mecs qui viennent ramasser, ils défendent leur titre. Facilement en venant ramasser les restes derrière et tout. Déjà de base, je trouve que cette stipulation en fait pour un titre, elle est toujours un peu foireuse. C'est sympa en weekly quand on veut. On a déjà vu des gauntlet match pour sanctionner des mecs, tu sais, genre on les fait passer à la moulinette et on leur en fait enchaîner les adversaires pour leur mettre cher. Là, ça a pas trop de sens, je trouve, pour un match pour le titre, surtout que ça vient vraiment de nulle part. Donc déjà, je trouve ça un peu. Ils auraient pu le justifier justement parce qu'ils ont été arrogants un petit peu à un moment, l'American Alpha backstage. Ils Ouais, avaient dit, ils ont dit, ouais, on a on fait le va tour prendre du tout le vestiaire, monde. personne Ouais. a voulu C'est vrai, c'est vrai. nous affronter. Voilà, on aurait pu leur dire, ah ouais, bah tiens, vous allez affronter tout le monde. Mais bon. Bon. Et puis alors, autre écueil, on va dire, de la stipulation, c'est que quand on a une division tag team, certes fournie, mais de qualité assez disparate, ça donne forcément des matchs dont on n'a pas grand-chose à foutre. Donc du coup, on a eu une succession d'affiches avec quand même 70%, 75% de matchs où. Enfin, franchement, en pay-per-view, voir Heath Slater et Rhino contre Breezango, Heath Slater et Rhino contre les Vaudevillains ou American Alpha contre The Ascension, bon, je sais pas vous, mais moi, ça me fait pas. Enfin, ça m'excite pas des masses. Donc, du coup, ça vous donne une succession de 2v2 pas terrible. Après, sur le match, ouais, c'était assez décevant. J'ai trouvé que c'était très brouillon. Il n'y avait pas trop d'emphase ou de dramaturgie sur les finishes. Si ce n'est finalement le match que tout le monde attendait, c'était American Alpha contre les Usos, donc c'est vrai que du coup ça c'était cool, mais à part ça je me suis un peu embêté et c'est vrai que quand tu vois The Ascension arriver derrière, tu dis que tu aurais peut-être préféré que ça se finisse avant en fait le match et que ça se finisse sur une victoire éclatante contre les Usos, parce que là derrière de voir les The Ascension galérer et pas réussir à battre The American Alpha et que finalement ils finissent par s'en sortir, je sais Bah, pas. ça en devient quasiment comique et triste à la fois, Ouais. la façon dont ils galèrent à faire le tomber. Au début, tu fais, bah, ok, d'accord, C'était ouais, ils ça a vont y pas arriver au bout de fonctionné. la deuxième fois, mais au bout de la cinquième fois, ils n'arrivent pas à faire le tomber. Tu fais, Donc même, ça a pas même le trop finish, fonctionné. hein. Ouais. Alors L'autre voilà, qui le grand tire arbitre. le truc et il remonte quand même, rien à foutre. Bon, enfin bref, excuse-moi, je te coupe. Non, mais bon, de toute façon, j'avais grosso modo dit ce que j'allais dire. Voilà, c'est un match un peu décevant. Ils ont manifestement voulu remettre un petit peu toutes les équipes dans le pay-per-view, donner un petit peu du temps à tout le monde. Tout n'était pas acheté, hein. Ce serait sévère de dire que tout le monde a, enfin, qu'ils ont tous été nuls. De manière générale, ils ont tous fait leur taf. C'est juste que la stipulation, le build en amont et le choix un petit peu, je trouve, de l'enchaînement des adversaires font que tu peux pas vraiment te plonger dans le truc et te laisser porter, quoi. Voilà, j'ai trouvé, c'était le défaut. Amiral. Bon, rien de plus, si ce n'est que la seule chose que je retiens du match principalement, c'est Breezango. C'est une Belle bonne équipe, hein, prestation. Breezango. Ouais, je trouve qu'ils ont bien fait le job, quoi. Un peu de comedy wrestling, des heels un peu loufoques, mais quand même qui font des trucs sympas dans le ring. Donc, je pense qu'il y aurait moyen de capitaliser un peu plus pour les utiliser parce que ben, ils mettent vraiment bien en valeur leur adversaire et ça, c'est toujours utile hein, dans le cash d'avoir des équipes comme ça, surtout Ouais, vu la c'est vrai. profondeur relative du roster avec la séparation des brands. Et sinon, moi, j'ai eu peur pendant longtemps quand même quand les Ascension arrivent qu'ils prennent le titre en fait. Je suis d'accord sur le Bah, fait que c'est ridicule ah oui, mais qu'ils n'arrivent moi pas à j'y ai faire le cru aussi, hein. tomber. Mais je pense que ça aurait été pire que le The Ascension gagne parce que ça aurait fait des champions en carton-pâte. Ah, c'est pourri. Mais Donc, n'empêche que c'est vrai que le spot où ils arrivent et qu'ils portent leur finish, j'ai un peu tremblé quand même, faut reconnaître. C'était le petit spot où tu pouvais y croire, quoi. Ouais. Donc voilà, ça finalement, ça ne fait rien bouger ce match. Les American Alpha sont un peu plus solidifiés en tant que champions réellement méritants qui ont défié les statistiques et les probabilités. Ouais. Aucune autre équipe ne paraît plus forte qu'avant. Donc en fait, c'est un match C'est ça. complètement dispensable. Oui. Après, on peut soulever le fait qu'ils ont mis cette stipulation-là pour peut-être jouer sur le concept du pay-per-view, Elimination Chamber, donc il y a élimination dans le titre. Donc là, ils font un match Ah, par équipe Amiral, élimination. hey, le cerveau, the brain of ketchup. Donc ça, si c'est dans ce but-là, ok, pourquoi pas. C'est remettre un second match élimination qui soit pas une en chambre. Donc, ok, ça peut expliquer pourquoi ils ont mis ces stipus. Sinon, vraiment, le match ultra dispensable. Pas moche en soi, ni chiant, mais pas exaltant du tout, quoi. Enfin, bon, ça bah, espérons fait que ça ne soit que le début, voilà, d'une relance, quoi, de la division tag team qui était plongée dans un marasme là depuis la perte de titre de la Wyatt Family. C'est compliqué. Là, il va y avoir quoi à la suite? C'est The Uso contre American Alpha. On va y avoir le droit, peut-être, enfin. Oui, on va s'y retrouver. Et finalement, il n'y a jamais eu le payoff de cette rivalité. Donc, c'est pour ça, on attend, là. Voilà, on a attendu et on l'aura probablement pour WrestleMania. Oui, Ringside. Elle galère, la WWE, avec ses tag teams, hein, quand même. Que ce soit à Raw ou à SmackDown, c'est délicat. Ils ont des talents, ils ont du monde, mais c'est dommage parce que SmackDown, ça allait au début, hein, les premiers mois. Ouais, j'avais trouvé que justement, ils avaient fait du bon boulot au début. Et on avait des matchs par équipe toutes les semaines. Les rivalités se croisaient bien avec les Usos. Ouais. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a Zack Ryder qui s'est blessé, donc ça, ils ont dû jeter leur petit programme qu'ils avaient à la poubelle aussi. Ils devaient peut-être avoir un truc. Ouais. Bah justement, n'ayant pas vu qu'il y avait eu le match avec Mojo, je m'attendais à ce qu'après The Ascension, retour de Zack Ryder avec Mojo Rawley. Ah, non. Je crois que Zack Ryder, c'est fini. Il est out pour longtemps. Il est out pour Ryder. Ouais, parce que c'est l'épaule, non? Un truc comme ça? Je sais plus. C'est la jambe, je crois. C'est le ah bon, ouais, je sais plus ce qu'il a, mais je crois que c'était grave. Ouais. Donc il y avait peu de chances qu'il revienne. Ouais. Non, c'est pas bon, de 6 en tout cas. C'est dead. Voilà. Ok. Peut-être une arrivée des Top Guys bientôt, je sais pas. C'est hier. On enchaîne donc avec la rivalité la plus chaude, hein, la plus boobs du moment, qui oppose Nikki Bella à Natalia. Donc le match entre les deux commence, on a enfin le payoff de cette super rivalité. Natalia commence en faisant des slams, hein, sur Nikki, en mimant. Alors elle va mimer au moins 35 fois, j'ai pas compté, jusqu'elle a dû compter qu'elle a mimé le You Can See Me de John Cena un nombre incalculable de fois dans ce match qui était, je crois, le plus long de la division féminine. Voilà, Nikki, hein, qui place un knee bar qui a fait beaucoup rire Christophe Ajus, parce que j'ai regardé en français cette fois-ci. En ce moment, RTL 9 est offert si vous avez Orange TV. Donc sachez-le. AB1. Voilà, c'est terminé. Nikki, donc, qui décroche la tête à Natalia avec une clothesline. Natalia qui implore d'arrêter ce que fait Nikki, ce qui est assez étrange, qui laisse donc ainsi son adversaire reprendre le dessus dans une longue session de taunts. Alors, a passé la moitié du match à lui faire des taunts, hein, à la provoquer. STF de Nikki, mais Natalia s'en dégage. Elle place alors son Michinoku Driver. Hein. Faut que je reprenne les cours de japonais, là. Michinoku. Voilà, l'amiral. La prochaine fois, je demanderai à l'amiral de faire les comptes rendus. C'est Ringside. C'est Ringside qui parle japonais. Ouais, tu parles japonais, Ringside? Ouais, mais plus avec toi maintenant. Oh merde. Tranquille. Oh, je croyais que c'était l'amiral qui était. Je peux parler japonais s'il faut. Hein. Ah d'accord, ok. Okay. Okay. Je suis le seul à ne pas parler japonais, en fait. Je ne sais pas non plus parler japonais. Hein. D'accord, merci Giscal. Donc, Nikki, après, qui place son Spinebuster suivi d'un Disaster Kick pour le compte de deux. Les deux verrouillent tour à tour leur soumission, hein, mais sans succès. Malheureusement, la bagarre continue à l'extérieur du ring et dans les barricades. Et alors que Nikki s'apprête à retourner in extremis entre les cordes, la Canadienne l'en empêche, provoquant la DQ mutuelle. Natalia reçoit une dernière fois la meuf Assina de coups, mais cette dernière réplique une minute plus tard en plantant un spear sur la rampe d'accès. Sur Natalia, hein, mais elle était sur la rampe d'accès à ce moment-là. Oui. Les deux finissent donc. Enfin, Natalia se sauve dans les vestiaires. Et donc, c'est un match qui se termine par une double disqualification. Eh ben, je demandais donc à Giscal, qui ne parle pas japonais. J'espère que tu as compris ce match, malgré tout. J'ai compris. Mais est-ce que tu l'as aimé? Non, j'ai pas compris, en fait, justement. J'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est pas fini. Parce que. Enfin, franchement. Parce que si Natalia abandonnait sur le STF là, ou enfin le Fearless Lock, excusez-moi, parce que manifestement elle a un nom pour tout est rebrandé, on l'a dit, hein, c'est du putain de marketing 2017. Si elle abandonnait sur le STF et qu'on s'arrêtait là, c'était très bien. Enfin voilà, c'est un match de mid-card de pay-per-view, c'est un payoff de feu. Ok, voilà, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Le double décompte à l'extérieur, je ne me l'explique pas. Ils ont manifestement des plans pour elle encore après. Du coup, sur le match, j'ai pas du tout accroché, mais bon, c'est pas nouveau, on en parle depuis des semaines. C'est dommage parce que elles sont toutes les deux talentueuses et je suis sûr qu'elles auraient pu faire un truc bien, mais il y avait pas du tout l'intensité qu'elles vendaient dans leur. En fait, c'était limite plus violent dans leur segment backstage et dans leur promo que sur le ring. La feud qui était censée être la plus personnelle de toute la carte, finalement, était peut-être une des moins impressionnantes dans le ring puisque elles se sont mis des vagues, enfin oui, des vagues coups à droite à gauche, mais enfin rien d'incroyable. Le spinebuster de Nikki à un moment était juste horrible. Elle la lâche à mi-hauteur là au lieu de la plaquer sur le ring. Là, c'était je te porte, je te lâche. Ouais, c'était dégueu. Non, enfin voilà, il y avait pas grand-chose à sauver. C'était assez mou du genou. Et puis bah voilà, pendant tout le match, je l'avais dit avant le pay-per-view dans les pronostics de Raphaël sur le site que Nikki Bella, j'étais sûr qu'elle gagnerait par l'intermédiaire d'un move de John Cena, tellement elle n'arrive pas à être over par elle-même dans cette rivalité. Et donc j'ai cru, juste pour ça, j'ai cru qu'elle allait gagner sur le STF parce que c'était tellement sûr. Et puis Natalia qui a fait des You Can See Me pendant tout le match parce que. En fait, on n'arrive tellement pas à s'intéresser à cette histoire qu'elles sont obligées de faire des références à John Cena parce que sinon on ne comprend pas. Donc, ouais, c'était vraiment pas bon. Et le pire dans tout ça, c'est que ça va continuer. et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, ouais, bon, je comprends pas trop non plus, quoi. Amiral, toi qui comprends à peu près le japonais, est-ce que tu as à peu près compris ce match? Hi, so desu ne. Bakaya. Oh, Bakaya. Oh, attention, attention. Satsuke. Ah non, merde, ça c'est dans la Naruto. Ça c'est dans Naruto. Ça va devenir raciste, en fait, arrêtez là. Remarque, ce match était aussi chiant qu'un épisode de Naruto, hein. C'est que ça ne servait à rien. Oh, attends, on va perdre 50% de notre audience. Non, c'était relou. Je crois que c'était le meilleur commentaire de JBL depuis qu'il est au commentaire. Ah, qu'est-ce qu'il nous a dit ? À la fin du match, il a dit « Mais ça ne règle rien, ce match ne règle rien !» Oui ! J'ai même pas fait attention, putain, c'est parti. Fucking problème, ça ne règle rien. Donc, voilà, on va encore se payer du Nikki Bella Natalia. Voilà, je vais pas redire grand-chose dessus, hein. Giscal... qui aurait été peut-être le seul à dire un truc positif, ben non, à défoncer ce match, donc je ne peux pas faire pire. Voilà. Très accessoire, on peut passer à la suite. Après que Ringside... Gomenasai Ringside, arigato. Arigro gâteau. Ouais, non, bah, y avait beaucoup trop de tentes de Natalia pour que le match soit intéressant, mais ça ne décollait pas. Le booking bizarre, hein, comme j'ai dit en début d'émission, effectivement, là encore un exemple, hein, puisque ça, c'était la DRDDR, mais ça ne règle rien. Alors, il y a un petit segment après backstage où ouais. Elle se fout encore une fois sur la gueule. Et il y a Maryse, hein, qui se fait. Qui est un dégât collatéral, hein, parce qu'elle se prend de la foudre à maquillage là, dans le visage, elle est en train de se faire maquiller. Donc, c'est attention, les gars, hein, parce que c'est la prochaine feud qui est en préparation, hein, c'est-à-dire Nikki Bella, son mari, Big John, contre The Miz et Maryse. Aïe, aïe, aïe. Pour WrestleMania. Grand Daddy of Them All. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est la rumeur. Et Michinoku Driver, hein, Taka Michinoku, vous pouvez le voir en action à la New Japan Pro Wrestling en ce moment, hein, si vous regardez le New Beginning, il est plus tout jeune, mais il est encore intéressant à regarder. Il fait partie des Suzuki Gun. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à New Japan. Ah, faut vraiment qu'on fasse un spin-off New Japan avec Ringside. Hein. Ouais. Ça va finir par arriver, ça, tout tard. pour le reste, ouais, donc c'était pas très intéressant le match. Et puis, ça aurait été mieux que ça se termine une bonne fois pour toutes. Hein, parce que sinon, effectivement, c'est dispensable. Bon, une autre rivalité qui, normalement, était terminée une bonne fois pour toutes, en tout cas en ce qui concerne les deux. C'est Harper qui affrontait donc ce soir Randy Orton, hein. Les deux voilà, ne sont jamais vraiment aimés. Harper a été kické de la Wyatt Family. Donc le match commence. Luke Harper qui chauffe Randy Orton en lui mettant des grosses baffes. Il va lui en mettre plusieurs, hein, ce soir. On se retrouve rapidement à l'extérieur avec Randy Orton qui balance Luke Harper sur la table des commentateurs. Orton qui justement tente de garder Harper au sol. Et qui prend même un moment le temps de poser, hein, relax, hein, Randy Orton. Peut-être même parfois un peu relax, puisqu'on s'est retrouvé avec un festival de chin locks là, pour la Vipère. C'est Orton, hein. Voilà, mais et bon, ça plaît à personne, encore moins à Luke Harper qui dégage Randy avec Slingshot, Senton et un gros big boot. Là, il a vraiment, je sais pas combien il taille la pointure de Luke Harper, hein. Sûrement du 49. Et surtout, c'est fait sur mesure. Ouais, c'est au tour du pouilleux de balancer son adversaire sur la table ou dans la table des commentateurs. Orton parvient à placer son Randy Slam out of nowhere là, à l'extérieur. Un peu difficilement aussi, mais il y est arrivé. On se retrouve sur le ring. Superplex, Full Nelson Slam, RKO contré, double super kick de Harper. Randy est à ce moment-là séché. 1, 2, ah non, simplement 2. On était vraiment à pas grand-chose. Harper qui continue et il retente avec un sit-out powerbomb. Là, on se dit, allez, c'est fini. Là. 1, 2, et ben non, simplement 2. Ça veut pas passer. Luke Harper qui arme sa spinning clothesline. Sa corde à linge tournoyante, comme on dit dans la langue de Molière. Mais Randy Orton a le réflexe qui tue. Il contre, RKO, 1, 2, 3, victoire de la Vipère, défaite du Pouilleux. Ringside, qu'as-tu pensé de cette rivalité et de ce match surtout? Ah, la rivalité, elle est pas mal. Hein. C'est difficile que je m'intéresse à Randy Orton. Pour le coup, c'est réussi là, à SmackDown. Grosse performance de Luke Harper. Maintenant, Orton, il aurait pu se lever le cul un peu plus. Il a fait le job. C'était pas dégueulasse. C'était plutôt un bon match. Il y a eu des gros spots, mais il y avait rien de nouveau pour moi. Il y avait rien de transcendant. Pas de moment où on a fait waouh. Voilà, comparé à ce que sort John Cena, qui est quand même pas loin normalement d'être au niveau d'Orton dans le roster. Hein, parce que c'est normalement Orton, c'est un peu l'équivalent de Cena, hein, c'est une des plus grosses stars. Il a fait le taf, mais il a fait le minimum qui pouvait nous servir. Je trouve que c'est léger vu qu'on vient lui donner le Rumble, qu'il va aller faire Mania. S'il reste à ce niveau-là, ça va donner un match bof bof, un peu comme ce match-là, propre mais pas transcendant quoi. Mais... Donc voilà, je vais pas dire que c'est une purge. C'est un bon match dans l'ensemble, mais c'était un bon match il y a 2 ans, je dirais. Voilà. Bon, Giscard, qu'as-tu pensé de la performance du jumeau maléfique, du double maléfique de John Cena? Bah, là, pour le coup, je commence à être vraiment. Enfin, là, je commence à être dans le pay-per-view. Là, ça y est, c'est le match qui m'a fait rentrer dedans. Donc, je trouve Ringside un peu sévère. Je trouve que c'était quand même un bon match. Par contre, je suis d'accord. Enfin, j'ai des réserves sur l'intensité du match. Pour le coup, ce match-là, j'en attendais beaucoup. C'est un peu l'inverse du début de la carte. Celui-ci, par contre, j'en attendais vraiment beaucoup. Et c'est vrai que j'étais un poil déçu. Pas tant par la prestation des deux hommes, mais pour le coup, parce que bon, bah, Randy Orton, oui, il a fait du Randy Orton, mais plus par les décisions, finalement, les décisions un peu de booking. J'ai trouvé que Harper avait été certes excellent, mais presque un peu bridé dans ce match. Je m'attendais à voir un petit peu l'envol de Luke Harper sur ce match, la révélation totale avec voilà, un Harper libéré qui défonce tout, super impressionnant. Pas de blague, Amiral, hein, je te sentais là. Comment ça tu sentais l'Amiral? Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je te sentais là. et en fait, je sais pas, j'ai trouvé qu'il a jamais passé cette deuxième vitesse qui aurait fait que le match aurait été complètement fou et qu'on aurait pu tamponner le face turn ou en tout cas la validation du passage pour 2017 de Luke Harper dans la cour des grands. Je trouvais qu'il a manqué cette petite étincelle où il a fait des super trucs, mais au final. C'est ce que j'aime pas souvent dans certains matchs, et c'est souvent d'ailleurs quand ils sont commentés par JBL. Mais en fait, quand on nous survend, quand on nous surraconte l'histoire aux commentaires plus que ce qu'elle est dans le ring, je trouve que ça tue un petit peu la dynamique du match, parce qu'en fait, dès le début du match, JBL était déjà à fond sur. Avec Otunga, genre, non mais regardez ce qu'il est capable de faire, Harper, depuis qu'il est libéré, c'est exceptionnel, oh là là, incroyable. Alors que pendant 10 minutes, il faisait rien de ouf, hein, Luke Harper. Hein. Parfois, il passait au-dessus de la troisième corde facilement et tout, mais il faisait rien. Donc ça m'avait un petit peu sorti du truc, parce que j'ai trouvé que c'était pas exceptionnel. Par contre, la deuxième moitié du match, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. La dynamique entre les deux était pas mal. Ça a bien marché, le finish est bien. Harper a quand même fait le taf, c'est normal qu'il perde. Randy Orton avait plus besoin, je pense, de garder son momentum pour WrestleMania que l'inverse. Donc au final, le finish est bon. Voilà, c'est sur le déroulé, j'aurais préféré qu'il lâche un peu plus les chevaux. Moi et toi, Amiral, est-ce que à ce moment-là du pay-per-view, t'es chaud bouillant? Chaud bouillant, non. Bon, c'était un match qui devait avoir lieu pour pouvoir faire avancer la storyline. Maintenant, on savait très bien que Orton allait gagner. Hein. On ne lui fait pas gagner le Royal Rumble quelques semaines avant pour le mettre en main event de WrestleMania pour le faire perdre contre C'est pas Luke le Money Harper. in the Bank. C'est non. ça. On savait qu'il n'allait pas y avoir de surprise. On aurait pu se dire, tiens, peut-être que Bray Wyatt va intervenir. Non, il était soi-disant en backstage pour se préparer pour la Elimination Chamber. Donc, ok, pas de surprise dans ce match. Ils ont bien déroulé leur truc. C'est pas désagréable. C'était un bon match de milieu de show pour avant les deux title match, hein, les deux gros title match. Mais rien de particulier, quoi. Ça aurait pu être un match en weekly, en main event d'un SmackDown Live. Hein. Bah, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'était pas presque moins bon que leur premier affrontement qu'ils avaient eu à SmackDown? Bon, en tout cas, il n'était pas forcément meilleur. Non. Non, ça n'a pas brillé par genre, oh là là, ils ont fait un match de fou, ça c'est clair. Non, ils ont eu quand même un peu plus de temps pour développer l'histoire et pour construire leur match et tout. Donc je pense qu'il était quand même mieux que celui de SmackDown, mais c'est vrai qu'il l'a pas explosé. Non, puis il y a des trucs qui m'ont dérangé, le fait que Orton arrive sur sa musique, par exemple. Voices. Ouais, ça ouais. C'est nul. Je trouve ça dommage. Là, le cœur de la rivalité, c'est ok. Moi, Luke Harper, je suis depuis le début dans la Wyatt. Toi, Orton, tu viens d'arriver. T'es un peu le mec qui prend les opportunités comme ça. Et on a une brouille entre Wyatt à cause de toi. Et tu te pointes avec ton ancienne musique. Non, il devrait se pointer avec Bien la sûr. musique des Wyatt, avec les Fireflies, pour encore plus énerver, entre guillemets, Luke Harper pour dire, tu vois, je t'ai remplacé, quoi. C'est moi maintenant le fils préféré de Bray Wyatt. Oui, Là, je c'est trouve un que peu c'est un une occasion désaveu pour... de sa stratégie en plus à Randy Orton, qui est de je suis un membre total de la Wyatt Family. Et ah bah non, pour les pay-per-view, par contre, je garde mon theme song, hein, faut pas déconner. Ouais, et puis non seulement il garde son theme song, mais en plus, enfin, on l'a vu, hein, il a fait 3 ou 4 fois la pause du Legend Killer pendant le match. Bien sûr. Tu sens quand même que c'était assez bizarre, ça d'ailleurs, ça m'avait frappé pendant le match, mais tu sens quand même qu'il garde vachement son personnage. Oui, malgré De tout. Randy Orton, Randy Orton, quoi, pas Randy Wyatt, entre guillemets. Ouais. Il n'a pas essayé de s'attirer la haine de la foule. Il n'y avait non, pas du y tout, avait en pas de fait. psychologie. On était dans un truc classique, Luke Harper contre Randy Orton. C'était. Moi, c'est ça qui m'embête, du coup. Ouais, C'est que c'est. Ringside pointe le doigt sur ce qui a probablement manqué, c'est la psychologie Peut-être, du c'est côté ça. de Randy, quoi. Peut-être. Bon, alors, vous en avez parlé. Effectivement, on arrive aux deux derniers matchs qui mettaient donc en jeu les deux titres suprêmes. Le féminin, tout d'abord, puisqu'il oppose la championne, hein, Alexa Bliss, qui défend son titre ce soir face à l'athlétique Naomi. Naomi qui a déjà remporté deux victoires, deux matchs face à la championne. Donc, elle arrive sur un momentum, en tout cas sur sa lancée. Le match commence avec Alexa Bliss qui prend toujours de haut Naomi, hein, mais qui se fait surprendre. Naomi qui a le feu. Alexa Bliss, donc, elle reprend ses esprits. Elle se rend bien compte que finalement, ça va peut-être pas être aussi facile que ça. Elle tente à un moment donné de lui arracher les cheveux. C'était assez violent. Bien Ensuite. avec leur promo. Ouais. Ouais, qui va avec leur promo, effectivement, tu as raison. C'était quoi, elle lui avait dit qu'elle allait lui raser les cheveux ou un truc du Naomi genre? lui avait dit qu'elle allait ouais, la rendre chauve, enfin Donc. Slasher Bold, elle lui Ouais. avait dit ça. Voilà. Donc voilà, bah ah ouais, bah si c'est comme ça, on va voir. Je vais t'arracher les cheveux pour de vrai. Un moment, les deux se retrouvent à terre après s'être donné un énorme kick en même temps, assez violent. Somersault, clothesline suivi d'un blockbuster, mais compte de deux pour Naomi qui place après son rearview, donc son coup de fesse, coup d'arrière-train sur la championne. Compte de deux à nouveau. Alexa Bliss qui revient et qui place son double moonsault double knee là. Vas-y que je te saute une fois, deux fois. Elle grimpe sur le turnbuckle, mais elle se fait sécher alors par Naomi qui tente de placer un saut, mais il est contré. DDT est simplement deux. Pour la championne, Twisted Moonsault d'Alexa Bliss, hein, magnifique hein, comme d'habitude, mais cette fois-ci ça ne passe pas puisque c'est contré par les genoux en béton, les genoux d'acier de Naomi qui enchaîne avec son le finish de John Morrison. 1, 2, 3, nouvelle championne. Et oui, nouvelle championne. Je ne sais pas si Las Vegas avait prévu ça, mais voilà. Naomi est la nouvelle championne de SmackDown. Giscal l'avait pronostiqué, finalement, c'est ça, Giscal, tu fais signe. Oui. Punaise, punaise. Eh ben, bah, parle-nous-en alors. Est-ce qu'au-delà du résultat, ce match t'a rendu heureux? Oui. Enfin, voilà, comme je l'ai dit sur le match d'avant, moi, ça y est, j'étais rentré dans mon pay-per-view là, donc ça y est. Ils jouaient les trois points en fait, ils s'en foutent la manière. Ce qui compte, c'est les trois points. Non, j'ai trouvé qu'elles ont fait du bon boulot dans le temps imparti parce qu'elles ont quand même pas eu beaucoup de temps, les pauvres. 8 minutes. Elles ont eu à peine un peu plus de 8 minutes, alors qu'on avait quand même eu pour les deux autres matchs pour féminin beaucoup plus. Donc non, elles ont plutôt bien tiré parti de leur faible temps pour raconter, je trouve, une histoire qui tenait la route et qui était dans le prolongement des promos qu'on a vu à SmackDown. Une Alexa Bliss ultra confiante, trop confiante, qui s'est rendu compte finalement au fil du match. Après, finalement, les cabrioles de Naomi, les contres dans tous les sens, qu'elle était en train de perdre pied, qu'elle était peut-être pas si dominante que ça, et que finalement que ça sentait vraiment le sapin, et ça a senti le sapin pour Alexa Bliss, si je devais mettre un petit bémol sur ce match, justement, je le mettrais peut-être sur Alexa Bliss, que j'ai trouvé assez imprécise pendant le match. De manière générale, ça m'avait pas trop frappé. Par le passé, je trouvais qu'elle était plutôt justement assez impressionnante à ce niveau-là. Là, je ne l'ai pas trouvée incroyable, notamment parce qu'en fait, au final, elle foire le spot à un moment dont tu parles, quand elle se met de KO toutes les deux. Ouais. En fait, Alexa Bliss essaye de mettre un petit. Enfin, son coup n'est pas clean. En fait, je crois qu'elle essaye de mettre un coup de poing en même temps. Bon, c'est pas très clair. Ouais, ou un coup de coude. Après, elle foire un petit peu quand même. Enfin, je trouve qu'elle est un peu à l'origine du bordel de la séance de la séquence finale, parce que en fait, elle contre. La séquence finale, tu as raison, était pas très claire. C'est un peu brouillon. Elle contre le premier Starship Pain là de Naomi. Mais en fait, elle le contre. Mais j'ai pas très bien compris comment elle le contrait, parce que finalement, elle est sur le dos quand elle lui tombe dessus. Et donc, elle se relève dans un no-sell complètement. Dans le no-sell le plus total, elle se relève pour lui mettre son DDT derrière. Et après, donc bon, elle place son moonsault un peu vrillé. Alors là, pour le coup, Naomi, elle est vachement bien placée. Et alors, je pense que Alexa Bliss prend cher, parce que t'as beau avoir des abdos en béton, elle est tombée, mais en plein sur les genoux de Naomi, c'était pas mal. Paraît-il qu'elle a les genoux pointus hein, dans le dernier épisode de Total Diva. Et derrière, sur le deuxième finisher de Naomi, elle est encore en train de se replacer. Elle est à moitié, elle se le prend sur le côté parce qu'elle était encore en train de rouler, parce qu'elle était trop au milieu du ring. C'est des détails, mais voilà, je trouvais que tout au long du match, elle avait été un petit peu moins. C'est plus des détails à ce niveau-là. Ouais, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas été exceptionnelle sur ce match. Mais bon, voilà, c'était mon bémol. De manière générale, je trouvais que le match avait du sens. C'était plutôt bien raconté et la prise de titre m'a fait plaisir. Enfin, comme la prise de titre à Backlash de Becky Lynch, j'ai trouvé que c'était. C'était encore, ça faisait chaud au cœur. Tu voyais à la fin le You Deserve It du public pour Naomi, c'était son premier titre. Ça, j'en ai pas parlé, mais ouais. C'était son premier titre, c'est toujours sympa. Je trouve qu'en effet, comme le public l'a dit, elle le mérite, elle est là depuis super longtemps. WrestleMania, c'est chez elle, c'est top. Enfin, bon, ça m'a mis la banane, moi, cette petite séquence. Donc. Bon, Amiral, est-ce que tu as eu la banane ? Ou tout autre fruit ou légume ? Non, je ne parlais pas de la banane. Plutôt la pêche, la super pêche. Non, comme dit Giscal, ça faisait sens. Naomi avait déjà battu Alexa Bliss plusieurs fois en weekly. Donc, du coup, qu'il y ait une victoire clean derrière, ça marche. WrestleMania, c'est Orlando. Comme Giscal l'a dit, c'est chez Naomi. Donc, on va y avoir un petit homecoming, feel good moment. Ce que la WWE aime bien faire. Donc, là, ça fait sens aussi. Par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait comme quoi Alexa Bliss était en deux matchs ou assez imprécise. Je la trouve vraiment toujours très très bien dans le ring. Niveau gimmick aussi, elle a vraiment fait beaucoup de progrès. J'adore le moment où elle prend la ceinture, elle la met sur ses épaules et à la tête, elle la regarde. Petit regard caméra, petit clin d'œil. Moi, ça marche à chaque fois. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que Naomi, quand même, ça fait depuis 2010 qu'elle est à la WWE. Hein. Ah, c'est... Donc, c'est... ça fait 7 ans. Alexa Bliss, elle vient de monter là au draft en main roster. D'accord ? Non, donc mais du coup, c'est vrai que... Calme. Non, d'accord, ok. Excusez-moi, non, je disais juste que sur ce match, j'avais trouvé un petit peu... Voilà. Je trouve que ça a du sens de donner de la chance à Naomi, surtout après son repackaging, Glow Time, etc., qui marche bien. Qui ça marche, marche, public, ça marche hein. bien. Ouais. Par contre, le seul petit truc, moi j'ai trouvé ça un peu trop de cabriole, en fait, justement, son style de catch à Naomi, et des ouais. coups pas assez impactants. C'est-à-dire qu'elle fait des trucs, c'est joli, c'est athlétique, c'est impressionnant techniquement, mais j'ai pas mal quand elle frappe. À aucun moment donné. quand elle met son rear view, je peux pas croire que ça fasse mal vraiment à Alexa Bliss quand elle donne quand elle fait ouais, ça. Bah, je voudrais bien te voir, vas-y, bah, fonce en courant dans les fesses de Naomi à mon avis. Elle a quand même un bon popotin. Hein. Moi ça va, je suis volontaire pour tester hein. Pour catch up pour vous chers auditeurs, je suis crash prêt à prendre les fesses de crash Naomi. Test de mise. Voilà. Mais sinon j'enlève ma cravate. Ouais, ah oh. Je trouve qu'elle manque un peu d'impact en fait. Elle manque d'impact dans ses coups, ce qui est un peu dommage. C'est un peu trop de la gymnastique et pas assez de catch. Voilà, mon avis. Sinon, après, voilà, le se raconter, les logiques, ça va à ça. Il y aura une revanche, ça peut être sympa, mais voilà. Ringside. Mm-hmm. Ouais, bah, moi je serais. Malgré tous ces botches. Méchant que l'amiral hein, sur Alexa Bliss. Hein. Aujourd'hui, hein. Ouais, bah écoute, des fois ça arrive. Hein. C'est comme ça. Mais. Non, Alexa Bliss, elle est quand même très approximative dans le ring. C'est pas la première fois que ça se voit. Il y a eu un match à SmackDown, je crois, où elle avait fait botch sur botch contre Becky Lynch, je crois. Là encore, y a... vraiment sur les finishes, hein, c'est qu'elle s'est loupée. Hein. Sur un, elle devait se relever, esquiver, elle l'a pas fait. Sur le finish, elle était mal placée, elle était en train de se replacer quand Naomi a fait son saut. Donc ça, il y a vraiment un problème au niveau des capacités techniques de son timing à Alexa Bliss. Je pense que c'est pour ça qu'ils lui ont enlevé la ceinture aussi, parce que ça s'est vu quand même sur pas mal de matchs tu crois ces derniers temps. Ouais, clairement. Je pense qu'ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas trop compter sur elle. Après, on lui pardonne tout parce qu'elle est, quand elle est au micro, elle est excellente. Son personnage, il fonctionne vraiment du feu de Dieu. Donc, voilà, on est sur quelqu'un qui est encore un peu léger dans le ring. Mais par contre, qui assure carrément au micro, il n'y a pas grand monde qui assure autant qu'elle. Donc, sur le coup, on lui pardonne. Je pense qu'on n'a pas trop d'inquiétude à avoir. Elle ne peut que s'améliorer de toute façon dans le ring. Ouais. Maintenant, effectivement, sur un pay-per-view comme ça, sur la ceinture féminine, ça fait un peu tâche d'avoir un finish comme ça loupé à l'ancienne, quoi. Et par contre, sur le fait que Naomi, elle mérite parce qu'elle est là depuis longtemps, je ne suis pas trop d'accord non plus. Ce n'est pas parce que tu es là depuis longtemps que tu mérites d'avoir une ceinture. C'est pas ce que je disais, hein. Je disais juste non, que par rapport à la, ouais, c'est ça. La performance non entre Naomi et Alexa Bliss, c'est que Naomi l'a depuis très longtemps, donc Alexa Bliss elle est encore verte on va dire dans le ouais. Par contre ce que je trouve dommage c'est qu'ils auraient dû faire selon moi le changement de titre à Mania, à Orlando, dans la ville de Naomi. Il faut déjà qu'il y ait une défense de titre à Mania, je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Hein. Ouais c'est malheureusement pas sûr. Non mais je veux dire qu'ils auraient dû faire gagner le titre à Naomi, ouais, à Mania, à WrestleMania, à Orlando. Et là, tu avais un putain de feel-good moment. Elle est dans sa ville, elle gagne le titre, nickel. Et elles auraient eu encore un mois, deux mois de plus pour préparer le match, le roder et avoir un match plus fluide sans les petits botches qu'on a vus. Hein. Ouais, t'inquiète, Amiral, bah, ce soir dans SmackDown, Bliss, elle récupère son titre façon Zack Ryder. Tranquille. Voilà. Et puis on a encore la revenge à Mania et Naomi re-regagne le titre à Mania. Ça, ouais. T'es trop pressé. Mais, Naomi, elle est quand même, c'est une pièce du roster solide, enfin d'expérience. Moi, je l'ai jamais trouvé horrible. Je trouve que c'est une récompense pour bon et loyaux service rendu, non? Oui, et puis elle était. Ouais, mais c'est pas comme ça que tu mets donnes une valeur à la ceinture. Si tu te donnes à tous les gens qui sont là depuis un moment, il y a des grandes superstars qui ont jamais eu de ceinture. Je suis d'accord, mais la ceinture a pas fait patate chaude non plus. Et puis, elle est pas. Enfin. Moi, en tout cas, depuis qu'elle a ses repackagés et tout, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Hein. Bon, on verra quand dans 2 semaines, il y aura le retour de Eva Marie et qu'elle prendra la ceinture. Là, on pourra parler de patates chaudes jusqu'à, je pense. Quand est-ce qu'elle revient, Eva Marie? Jamais. En même temps qu'Emalina, non, c'est pas ça. Oui, probablement, elles vont faire un retour commun. Bref, bien toutes les trois dans les gradins là, avec James Ellsworth. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait James Ellsworth et Carmella dans les gradins et qui commentaient les matchs féminins. Voilà. On arrive au main event, la chambre d'élimination qui a été redesignée pour l'occasion, hein. Une chambre d'élimination dorénavant carrée, carrée, et ouais, carrée. Avant, elle était ronde. Maintenant, elle est carrée. Elle est plus haute. Ils ont changé le maillage de la cage. Dorénavant, les pods sont donc en plastique carré, et on a une comme ça. On peut voir à travers les pods depuis l'extérieur. Ça, c'était plutôt bien fait. Il y a pas mal de les caméras qui étaient sur grue et qui pouvaient filmer les catcheurs qui étaient soit dans le pod, soit au-dessus du pod. On le verra. Il y a eu plusieurs. Évidemment, spot qui ont utilisé cette nouvelle configuration de la cage. Je pense même qu'il y avait des caméras dans le pod, en fait, sur le petit GoPro. Il y avait également des GoPro, voilà. Il y avait également des GoPro dans les cages, dans les pods, boulot, hein. Qui étaient plutôt sympa. Donc, on essaie d'innover. On est dans les, on est un petit peu à la page. Par contre, c'était autour du ring, c'était moins violent parce que avant, c'était grillagé. Au sol. Une barre de métal. Ouais, voilà. Barre de métal, et donc, quand les mecs tombaient en dehors du ring, qui passaient par-dessus la troisième corde, ils avaient après le grillage qui était imprimé sur leur dos. Dorénavant, c'était des tapis, non, qui étaient posés. Ouais. Voilà. Ça, c'était un peu dommage, je trouvais. Ouais, il y avait un peu. Dans l'absolu, c'est mieux pour les athlètes, hein, quand même. Je pense. Parce qu'on a pas mal qui ont eu une carrière écourtée, hein, mine de rien, par rapport à ça. Ouais, mais quand même, comme dit IRM, je me rappelle une fois avec CM Punk, justement, où il s'était fait backdropper à travers, par-dessus la troisième corde. Il avait les grilles de métal imprimées sur la cuisse. Ouais. On aurait dit qu'il s'était fait pouvoir bomber sur un barbecue, quoi. C'était oh my god! Le dimanche midi qui termine mal, tu sais. ok, mais c'est l'heure de tester cette nouvelle cage, si vous le voulez bien, hein, cette chambre d'élimination. Alors, toujours, ce qui est intéressant de savoir, évidemment, c'est la configuration qui démarre le match et qui sont dans les cages. Donc, dans les cages, on a Dean Ambrose, puis le Loup Solitaire, puis le Miz, puis Bray Wyatt, et ce sont donc John Cena et AJ Styles qui vont commencer l'affrontement. Voilà. Après quelques échanges, hein, AJ Styles qui place rapidement un torture rack suivi de, oups là, je perds mon fil, tagrat, suivi d'un power bong. Cena qui réplique et qui tente le tomber sans succès. Styles qui place son, alors là c'est du japonais, ringside, tu vas m'aider. Ushigoroshi. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu. Ushigoroshi. Voilà. En japonais dans le texte, near fall également. Cena qui place son protobombe. La lumière, le compte à rebours recommence. On a la lumière, la fameuse loterie, comme ça, ça n'a pas changé. Le prochain entrant est Dean Ambrose, qui entre et qui balance plusieurs fois John Cena contre la cage. Il grimpe sur le pod. À ce moment-là, on a la caméra qui filme, c'est vraiment sympa. Descente du coude du Lunatic Fringe. Puis John Cena place une German Suplex sur AJ Styles et sur Dean Ambrose. À ce moment-là, c'est le quatrième participant qui entre. Il s'agit de Bray Wyatt qui entre et qui fait le ménage. Hein. Il balance AJ Styles plusieurs fois dans la cage. AJ Styles, justement, qui un peu plus tard se retrouve avec John Cena à mi-hauteur, hein, de cette cage, qui est plus haute, hein, que la précédente. Échange de patates accrochées sur la grille. On demande de tomber plusieurs fois. Et ben, on tombe vraiment en ce qui concerne John Cena. Il choie, hein, il tombe lourdement au sol. Sur les tapis de mousse. AJ Styles, à ce moment-là, est sur le pod. Il se fait cueillir, hein, par Dean Ambrose, qui le balance sur le plastique. Il saute depuis le haut du pod, mais se fait cueillir par un uppercut de Bray Wyatt. Numéro 5 qui entre, c'est le Baron. Le Baron qui va dérouler tout son arsenal. Deep Six sur Dean Ambrose. STO, sur Bray Wyatt. Et le End of Day sur AJ Styles. Mais on tente pas le tomber, hein. Le Baron, il veut juste montrer que lui c'est plus fort, il va pas chercher. Ouais, il tente pas de tomber. Voilà, ouais, il l'a jamais fait, l'Elimination Chamber, hein, donc. Ensuite, un peu plus tard, le numéro 6, le dernier entrant évidemment, bah, il reste qui? C'est le Miz. Mais le Miz daigne un petit peu à entrer dans la chambre d'élimination parce qu'il fait face au Baron, qui le provoque, qui le somme d'entrer. Ah, vas-y, viens voir si tu l'oses. Mais le Baron, du coup, se fait surprendre par Dean Ambrose et se fait donc éliminer par le Lunatic Fringe, ce qui met le Baron noir de colère. Il tabasse Dean Ambrose. On book la prochaine rivalité de la ceinture blanche, évidemment, à ce moment-là. Le Miz qui en profite alors pour éliminer Dean Ambrose. Puis il va évidemment faire son, on a droit au petit passage hommage à Daniel Bryan, hein, avec la séquence de kick toujours aussi mal exécutée. Tu mises. Il reprend le contrôle, il balance les drop kicks, les coups de genoux, les coups de pied dans les coins, en désignant tour à tour les cibles. C'est le gros moment, hein, à ce moment-là pour le Miz. Malheureusement pour lui, il se fera double A par John Cena. Et voilà, tombé à l'ancienne, le Miz se fait éliminer. Il ne reste donc plus que AJ Styles, Bray Wyatt et John Cena. AJ Styles et Bray Wyatt qui à ce moment-là se trouvent un point commun. John Cena, ils se mettent à l'attaquer à deux. Ça ne dure pas très très longtemps puisque Bray Wyatt s'en prend à son tour à AJ Styles. John Cena arrive, il met les deux hommes à terre, il fait le ten knuckle shuffle. Évidemment sur les deux en même temps, AA sur Bray Wyatt. AJ Styles place son Styles Clash, mais Cena kick out. Ça ne marche pas, ça ne passe pas. AJ Styles tente le springboard. Il saute sur John Cena, mais il se bouffe un double A. Et il kick out à son tour. Ils se connaissent très bien les deux. Ils sont très résistants, très vaillants. Cena qui monte. Ouais, j'ai mis ça. Il monte sur un pod. Ah ouais. Oui, il monte sur un pod. j'ai dû bourrer le nom. Okay. C'est pas Kalisto. Ah, d'accord. Cena, il fait des luchating aussi. Et voilà. Et il fait une high cross. Hein, donc, jump de John Cena sur AJ Styles et Bray Wyatt. AJ Styles qui se le prend un peu mal d'ailleurs. Les trois hommes sont à terre. Cena attrape Bray Wyatt, mais celui-ci s'en échappe. Il place son sister Abigail. 1, 2, 3. John Cena. Oh là là, coup de tonnerre à Phoenix. John Cena est éliminé. Le champion est éliminé. Ce soir, nous aurons un nouveau champion. Et ce sera soit le Phenomenal One, soit le mangeur de monde. Coup dur dans le Giscal Mansion à ce moment-là. Le 16e règne n'aura pas duré très très longtemps. Tu peux retourner... Pas Roman Reigns qui se ferait sécher comme ça, moi je te le dis. Eh, hey, mollo. À ce moment-là, donc on revient, il ne reste plus que Bray Wyatt et AJ Styles. Ça change les gros coups. On ne sait pas qui va s'en sortir. À ce moment-là, donc Styles balance un sliding dropkick sur Bray Wyatt qui était à terre. C'est toujours impressionnant, j'adore ce move. Diving forearm pour le near fall. Styles qui échappe à son tour, hein, au sister Abigail, qui balance des strikes sur Bray Wyatt, qui ne voilà, qui comprend pas trop ce qui se passe. Il n'a pas trop l'habitude, hein, ce bon Bray Wyatt. À ce moment-là, grosse lariat, hein, de Bray Wyatt. Styles qui s'échappe, il place son fameux pulley kick, running knee. Il veut placer alors le springboard. Il met son le 450 degrés pour le compte de 2. Styles, à ce moment-là, n'est pas très bien. On sent que voilà, il est là depuis le début. Il s'est pété quelques côtes, il s'est pété quelques phalanges. Il veut tenter un springboard, mais il se fait choper par Bray Wyatt, qui évidemment enchaîne sur le fameux Sister Abigail, qui redevient une prise qui a toujours été, mais on la voyait plus trop. Qui est dévastatrice là. Létale, dévastatrice. 1, 2, 3, Bray Wyatt. On est en 2017. On est en février 2017. Bray Wyatt est le champion du monde de la WWE. Il célèbre dans un élan de folie où il rigole assez hallucinant sa prise de titre. Et évidemment, ça n'en termine pas là, puisqu'au loin, sur la rampe d'accès, sur le Titantron, apparaît Randy Orton, venu le défier. On ne sait pas trop, mais il est là, il pose. Échange de regard entre les deux. Est-ce qu'on vient de booker WrestleMania? Est-ce que ce sera aussi simple que ça? Ringside, qu'as-tu pensé de ce main event? Bah voilà les choses sérieuses. Qui commence après, voilà, après tout ce kick-off interminable. Voilà comment là. Commence un pay-per-view. Voilà, non, c'était un très très bon Hell in a Cell, peut-être un des meilleurs, je pense. Elimination Chamber. Ouais. Merci. Me corriger. Moro Ranallo a fait exactement le même lapsus que toi, en plus, je crois. Ouais, j'ai le même problème que Moro Ranallo. Et pas le même salaire, malheureusement. Donc, très bonne élimination, parce que j'arrive pas à le dire, c'est pour ça que je. Ah, c'est pour ça, d'accord. Autant le japonais, ça va, les prises obscures japonais, ils les gèrent, mais les noms de pay-per-view, c'est pas ça. Les noms de pay-per-view, à chacun sa spécialité. Tice Lane ou des trucs comme ça. Mais Hélène Nessel, je ne sais pas le dire non plus à ce qui paraît, donc c'est pas grave. Non, mais sinon, c'était du gros, gros niveau. Encore une fois, John Cena au top, qui va voilà, monter sur le pod, faire un crossbody excellent. Là, il fait une chute aussi incroyable. Phenomenal One et Jay Styles aussi au top. Le Baron Corbin. Putain de Baron Corbin, hein. Là, dans le main event, la classe, il place toutes ses prises avec de l'impact. Il était, il est à sa place, quoi. C'était peut-être le plus impressionnant, mine de rien, de l'affrontement. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Mmh. Ah, ouais, clairement. Ah, mais le Baron, nous on l'aime bien. Ouais, il fait du bon boulot avec le Baron Corbin, hein, pour un mec qui était aussi limité dans le ring. Là, maintenant, il a le charisme. Et... Bon, au micro, quand il est face aux Miz, effectivement, c'est un petit peu délicat. Il est quand même très bon dans le trash talk pendant les matchs. Voilà, il s'impose. Il fait les progrès qu'il faut et il a le charisme. Donc, il y a vraiment du potentiel avec celui-là. Ambrose était bon, pour une fois. Il s'est bien levé le cul. Donc, c'était sympa. Le Miz, bon, il n'est pas resté longtemps, mais le peu qu'il a fait, c'était du bon The Miz, bien dans le personnage. Il n'y a pas à chier. Donc, non, de bout en bout, c'était vraiment bien booké. Voilà, ça fait avancer les intrigues. On était victoire un petit peu prévisible de Bray Wyatt, mais bon, Bray Wyatt, il a fait le taf aussi. Puis il est pas, on l'a jamais trop vu catcher ces derniers temps non plus, Bray Wyatt, donc c'est bien de le voir aussi en action. C'est le moment pour lui de gagner la ceinture, voilà, c'est écrit. Mais c'est vraiment, de bout en bout, c'était vraiment très très bien mené. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs de l'histoire. Hein. J'ai pas souvenir de beaucoup d'Elimination Chamber qui m'est pas déçu quelque part, donc voilà, celui-là était vraiment très très réussi. Alors et toi Amiral, est-ce que tu places cette chambre d'élimination, on peut le dire en français, hein, ringside si tu veux, cette chambre d'élimination dans ton top 3 des chambres d'élimination? Ah, toujours difficile à dire, c'est toujours des matchs assez intéressants, il y a ce côté aléatoire qui va sortir à quel moment, donc c'est un match à suspense, pas autant que le Rumble, mais ça va même peut-être en second ou en troisième avec Money in the Bank. Donc toujours une bonne stipulation, bon relooking de la cage, enfin de la chambre, bon match, hein. Il y avait des bons performeurs, comme l'a dit Ringside, le Baron Corbin qui était celui qui a le plus à prouver, a montré qu'il avait ce qu'il fallait, du moins dans sa partition, pour s'imposer comme étant pas seulement là pour la figuration, ça c'est cool. Je suis content de la victoire de Bray Wyatt, hein, ça faisait très longtemps qu'on attendait à ce qu'il atteigne une ceinture individuelle, donc là c'est très cool, et surtout c'est que ça fait un match pour WrestleMania plus intéressant qu'un énième Orton Cena, hein. Orton, Bray Wyatt, est-ce que leur nouvelle alliance va tenir? On verra bien, donc là ça relance un intérêt plutôt sympa. Donc voilà, bien performé, bien booké, l'histoire que ça raconte à terme, elle est intéressante, plus intéressante que ce que c'était avant le match. Donc on va pas se plaindre, hein. Non, c'était un très bon show. Je regrette juste au niveau du pay-per-view que le reste du pay-per-view n'était pas été d'aussi bonne facture que ce main event. Parce qu'il n'y a que ça que je vais retenir, en fait, c'est le main event. Bon, ça se sentira peut-être dans ta note finale, alors, Amiral. Bon, Giscal, alors, ce règne de John Cena n'aura pas duré très longtemps, mais au-delà de ça, qu'en as-tu pensé de ce match? C'est passé dur, à autre c'est chose, j'espère, quand même, non? C'est dur de commenter là-dessus. Non, bon, au moins, il aura perdu avec les honneurs dans une stipulation absolument barbare, hein, qui ne laisse finalement que peu de place à l'erreur et voilà, il a succombé après être rentré en premier avec AJ Styles, qui est quand même une belle performance. Hein. Donc c'est bon, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Le prochain, ce sera pour le record du coup. Donc c'est ça qu'il faut que je me dise, c'est que le prochain, c'est pour le record ultime. Ils ont déjà tout dit. C'était vraiment un super match. Moi, ça fait partie, comme vous avez dit, moi, ça fait partie des stipulations où en fait. Déjà, le match au demeurant était super, mais je suis déjà ultra conditionné avant même le match, parce que, en fait, comme le Rumble, comme le Money in the Bank, comme fut un temps, mais bon, plus trop maintenant, les Survivor Series, c'est des stipulations, en fait, t'en as qu'un seul par an, et de base, je suis super excité de ce qui va se passer, parce que c'est toujours un match à part, avec des innovations, des spots de ouf et tout. Ça n'a pas loupé, on en a encore eu dans tous les sens, avec des mecs qui montent sur les pods, Dean Ambrose qui a pris le spot... l'éternel spot de passer à travers le plexi. Oui, j'en ai pas parlé, effectivement. D'un des potes. On était quasiment tous sûrs que c'était lui. S'il y avait une cote pour savoir celui qui passerait à travers le plexi, je pense que la sienne ne devait pas être très élevée. Donc ouais, bon, gros match. Moi j'ai bien aimé. On en a. Bon, Baron Corbin, j'ai été assez fan. J'ai plutôt bien aimé moi tous les petits plans de caméra et l'entrée du Miz. Je trouvais que c'était le seul quand il était rentré dans la cage qui était complètement paniqué à l'idée de rentrer dedans parce que bah mine de rien, le Miz, il en a fait quand même déjà pas mal avec Cena des Elimination Chamber. Et tu sentais, ça se voyait sur son visage qu'il savait dans quoi il s'embarquait et que ça le réjouissait pas des masses. Je trouvais que c'était assez drôle. Pendant tout le match, tu le voyais, il flippait de voir ce qui se passait et tout. Genre, il y a même un moment, il y a un plan où t'as Baron Corbin, je crois que c'est Baron Corbin qui place un End of Days et tu vois ça, la caméra qui passe sur le Miz, il est là, cover him, c'est genre, il est là, vas-y. C'est assez drôle, il vivait vachement le match dans son pod, donc je trouvais ça marrant. Bon, joli petit clin d'œil de la WWE de nous filer du Cena Styles au début. Et c'est là où tu vois que Cena Styles, ils nous ont fait une sorte de condensé de leur match en 5 minutes. Et même un petit condensé de 5 minutes, c'est exceptionnel. Et tu te dis que déjà, rien que ça, c'est fou. Sinon, qu'est-ce que je m'étais noté? Ouais, là, je m'étais noté aussi le fait que... ça, c'est plutôt dans les points négatifs, mais il faudra qu'ils règlent peut-être un peu plus leur micro dans cette nouvelle... D'habitude, je ne remarque pas trop ce genre de choses. Je ne suis pas très sensible à ça, parce que je me laisse porter par les commentaires, l'ambiance. Mais là, je trouve qu'on entendait quand même vachement les catcheurs parler, mais genre énormément. Et Surtout un certain Big John. surtout un certain Big John qui alors là a fait c'était exceptionnel sur ce match. Je pense que j'ai entendu tous ses calls. Donc c'était un peu fort, dont un qui m'a vraiment frappé où ils sont au bord, ils sont sur le côté avec AJ Styles et donc ils sont sur le tablier du ring là et t'as AJ Styles qui lui met un coup d'avant-bras dans la tronche et là t'entends John Cena mais genre comme s'il était à côté chez toi, one more comme ça. Limite t'entends AJ Styles qui lui dit OK et bam il lui en met un autre. Bon, c'est un détail. Et un dernier petit commentaire, non, un avant-dernier, après j'arrête, c'est promis. J'ai trouvé dommage, le seul point faible au niveau du booking de ce match, j'ai trouvé que c'était l'élimination du Miz, qui était la seule qui était vraiment presque sans emphase, en fait. C'était un peu dommage, parce qu'il arrive frais comme un gardon, c'est le dernier qui rentre hein, quand même. Il met la pâtée à tout le monde, genre kick sur tout le monde, drop kick sur tout le monde, c'était la folie d'ailleurs, hein, aucun contre. Et à un moment, il se fait contrer sur son crossbody. Il se prend un AA de Cena sans même se débattre. Il tombe, c'est fini, alors qu'il n'avait pas pris un seul coup du match. Je trouvais que c'était un peu dommage. Voilà. Et puis, ah oui, et puis ouais, si, le dernier truc, et ça, je trouve que c'est quand même super bien ce qu'ils ont fait, c'est d'avoir fait sortir, voilà, j'enlève ma casquette de fan de Cena, c'est d'avoir fait sortir Cena en avant-dernier, parce que je pense que la victoire de Bray Wyatt sur AJ Styles est beaucoup plus habile en termes de booking que sur Cena. Parce que du coup, le public était beaucoup, beaucoup plus chaud pour le finish. Parce que quand Cena s'est fait sortir, tu sentais que d'un seul coup, c'était électrique dans la salle parce qu'il y allait avoir un nouveau champion. Et du coup, c'était beaucoup plus malin de le faire dans ce sens-là. Sachant que Bray Wyatt, quand même, en 2017, comme vous l'avez dit, donc est champion de la WWE après avoir pin clean Cena et AJ Styles de suite. C'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, gros main event. Alors, messieurs, pour vous, est-ce que la carte concernant ce championnat, donc ce titre, est aussi évidente qu'on voudrait nous le laisser croire? On va dire, c'est ma petite question débat de fin. Est-ce qu'on va vraiment avoir un Randy Orton versus Bray Wyatt, ou est-ce qu'on nous prépare quelque chose d'un peu plus complexe? Parce que finalement, John Cena a droit à son rematch, AJ Styles n'a toujours pas eu son rematch en one-to-one qu'on lui avait promis. Ça, Ça c'est fait important beaucoup aussi, ça. de rematchs Ouais. d'ici WrestleMania. D'où l'importance de l'avoir fait pin clean, d'ailleurs, les deux hommes, entre guillemets, Ouais. en l'occurrence. Mais ouais. Je sais pas, Amiral, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, pin clean, toujours pareil. On est dans l'Elimination Chamber, qui est un match où le champion a le moins de chances de garder sa ceinture. Hein, dans les stats, souvent, c'est mis en avant. Donc, Oui. c'est clair que perdre la ceinture ou le Chamber, surtout quand on rentre numéro 1, on Oui, commence ce match. certes. C'est pas vraiment une défaite, quoi. C'est de suite un match dans lequel on est parti perdant. Non mais je te donnais ça par Ouais, opposition bien à sûr. l'élimination d'Ambrose, par exemple, qui se fait massacrer et qui derrière. Oui, par quelqu'un qui est pas dans le ring. Alors, du coup, WrestleMania, est-ce qu'on aura un Bray Wyatt Orton juste pour l'histoire entre les Wyatt, ou est-ce qu'on va avoir du Cena et du Styles au milieu? C'est difficile à dire, hein. Il reste encore 2 mois. Dans 2 mois, il peut se passer des choses. Il n'y a plus de pay-per-view, je crois, niveau SmackDown, hein. Non, terminé. Donc là, ça va être qu'en weekly, mais du coup, ça fait au moins bah, quoi, 8 épisodes de SmackDown qui vont se dérouler. Donc là, il peut se passer plein de trucs. Il peut y avoir une blessure qui n'est pas prévue, qui va Ça chambouiller aussi. les plans. On ne sait jamais, il y a le temps pour que ça se fasse. Après, en storyline, Je sais pas. S'ils montent bien le truc, vraiment sur le Wyatt, je pense que ça peut être cool de vraiment faire un beau match Orton-Wyatt avec peut-être derrière bah, aussi Luke Harper dans le mix. Après, un match à plusieurs, il faut faire attention si elle n'aime pas trop la foire d'empoigne. Hein, que, ouais. Qu'on garde quand même un match qui soit joli entre deux ou trois adversaires éventuellement, mais pas qu'on rajoute et AJ Styles et John Cena. AJ Styles, il a droit à son rematch one-to-one. C'est pas un match à 3 ou 4. John Cena, c'est pareil, il a droit à un rematch. Donc, je pense que ces rematchs-là vont avoir lieu d'ici WrestleMania pour consolider Bray Wyatt en tant que champion. Parce qu'il faut le consolider. Là, il a gagné. Il faut maintenant qu'il le mérite. Ouais, il faut capitaliser. Au quotidien. Ouais. C'est ça. Il faut qu'on en fasse un monstre. Et je pense que c'est ça la suite logique. Mais Ringside, comment tu le sens, toi? Ah, moi, je suis un peu trop à l'écoute des rumeurs pour imaginer autre chose qu'un Orton. Arrêtez les rumeurs. Qu'un Orton Bray Wyatt. Je pense que c'est ça qui aura lieu. Maintenant, ils ont le temps de construire une sacrée grosse rivalité, puisqu'il n'y a rien fait au niveau de la séparation des deux encore à l'heure actuelle. Ils sont normalement copains comme cochons. Donc, il peut encore se passer beaucoup de choses avant qu'ils se décident de vraiment se déchirer l'un l'autre. Après, pour ce qui est des rematchs, je sais que Cena va affronter déjà Bray Wyatt à SmackDown cette semaine. Ah, d'accord. Donc, le rematch de John, c'est déjà pour cette semaine. Et, ouais, ça va être réglé en weekly, quoi. AJ Styles, on lui programme chaîne au Mac. Donc, je pense que même si mais nous, on n'est peut-être pas très chaud pour. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter les rumeurs. Excuse-moi, Ringside, je vais devoir t'éjecter de ce chat. Hein. Enfin, arrêtez de raconter ce genre de choses, hein, tu veux. Je vous donne ce que j'ai comme info, hein, qu'est-ce que tu veux. Voilà, peut-être nous, ça nous emballe pas trop de voir un Bray Wyatt simplement contre Orton, mais je pense que pour Vince, lui, c'est une affiche qui est très très bien, surtout qu'on aura sûrement Lesnar, Goldberg de l'autre côté pour attirer du monde. Donc ça passe très bien en opener ou un truc comme ça. Voilà, et comme vraiment, ce qui serait vraiment bien, en kick-off. En kick-off, c'est Naomi et sa ceinture. Elle est arrivée à Orlando, à Mania, mais en kick-off. Ouais, non, mais ils ont quand même le temps de construire un sacré truc, donc j'espère qu'ils vont le mettre à profit. Voilà, effectivement. Giscal, ton sentiment ou ton souhait ou... tu sais, moi, mon souhait, j'en ai pas. Enfin, moi, voilà, la ceinture ira là où elle ira, hein, donc on verra bien. Oh, mais c'est beau. Moi, tu sais, je ne suis pas du tout. Enfin, là, je suis rentré en road to WrestleMania depuis maintenant un mois et demi, hein, donc j'ai coupé toutes les rumeurs. Je ne lis plus aucune rumeur, donc je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler de l'horreur dont vient de parler Ringside là, tu vois, concernant AJ Styles, donc je ne sais pas. Mais par contre, moi, ce que je retiens des commentaires de l'amiral et de Ringside, surtout, c'est que ouais, il reste 2 mois, en fait. Donc, en fait, là, de prime abord, Randy Orton, Bray Wyatt, pour un main event de WrestleMania, ça me parle pas, là, comme ça. C'est vrai que ça fait pas le match, le money match, hein, comme on dit souvent à Mania, les matchs pour le titre, hein, c'est souvent des affiches de fou. Mais par contre, en 2 mois, ils ont largement, largement le temps de faire quelque chose de bien. L'histoire, elle est plantée maintenant depuis bien 2 mois, 2 mois et demi, hein, voire plus, entre eux. Donc ça va quelque part, tout ça. Après... Est-ce que c'est si évident? Est-ce que ce sera si évident que ça? C'est vrai que parfois dans le catch, c'est les histoires les plus évidentes, mais les mieux écrites sont les plus efficaces. Donc je serais pas contre, mais tout peut arriver. Moi ce que j'espère surtout dans cette affaire, c'est que ce soit Bray Wyatt qui arrive champion à Mania, ça c'est sûr, et que Bray Wyatt arrive en champion vraiment fort, quoi. Enfin, qu'il gâche pas tout. Parce qu'on l'a bien vu, la réaction qu'il a eue dimanche, ça faisait un petit moment quand même qu'on attendait ça pour lui. Et je pense que le public, de manière générale, attendait ça aussi. Bray Wyatt champion, ça vient de loin. Il a 2 rematchs de très très haut calibre à faire. J'espère que ce ne sera pas des rematchs type John Cena qui perd sur une distraction de son futur adversaire à Mania et AJ Styles qui perd parce que Shane O'Mac, il est embrouillé avec lui, je sais pas quoi, par rapport aux rumeurs de Ringside et tout. Hein. J'espère que voilà, ce sera pas torché un petit peu comme ça et qu'on aura vraiment un Bray Wyatt qui, je sais pas, voilà, finalement capitaliser à fond sur les commentaires de JBL post-match qui moi me pousse vers l'optimisme, qui était bon bah voilà, le chaos va s'abattre sur SmackDown, Bray Wyatt champion, c'est l'enfer, les portes de l'enfer qui s'ouvrent entre guillemets. Moi j'aimerais bien voir un Bray Wyatt complètement intenable jusqu'à Mania, qui agresse tout le monde, qui fait semer la terreur sur la division, qui fait caca dans les sacs dans les vestiaires, qui fait caca dans les sacs de voilà tout ça. Donc voilà ce que j'espère. Après je me dis que 2 mois c'est très très long, donc ça n'arrivera pas. Je viens de voir un tweet là à l'instant, il y a Roman Reigns qui a tweeté, il vient se drafter à SmackDown et il est Bray Wyatt pour la ceinture. Ah, merde. Ça sent pas bon. La semaine prochaine, Bray Wyatt perd la ceinture contre le Big Dog et c'est bon. Et défendra les deux titres. D'accord. Ah ouais, ça m'a... Bon, messieurs, voilà. C'est l'heure du mot de la fin. Votre top, votre flop et votre note pour sanctionner ce pay-per-view à la qualité, on va dire, peut-être croissante ou exponentielle. Oui. Et bah, tiens, Giscard, tant que t'es encore chaud. Ton top, ton flop et ta note. Mon top. Eh bien, mon top, je vais le donner. Mon top à John Cena pour me faire pardonner de la semaine dernière. Parce que je lui avais donné mon flop. C'est vraiment juste pour te faire pardonner. Je vais donner à John Cena, même si de manière générale, on l'a dit à l'Elimination Chamber, tous les participants étaient excellents. Mais voilà, c'est toujours celui qui, dans les grands matchs, je trouve qu'il arrive toujours à sortir peut-être encore plus du lot. J'ai trouvé qu'il avait été top. Son petit spot sur le 10 Knuckle Shuffles, quand il regarde sa première main, puis il voit qu'il y a deux mecs au sol, il regarde la deuxième. Ah, il fait comme ça, voilà. Bah, c'est des petites choses. Il y en a une troisième qui apparaît. Il y en a une troisième qui apparaît, c'est la mienne en fait derrière. Qui... Tiens, John, je te prête ma main. Non, bon. Allez, ils ont tous été extra. Je le donne juste pour me rattraper à John Cena, mais le main event était exceptionnel. Et puis mon flop, je vais le donner. On en a parlé à Alexa Bliss, les premiers matchs de la carte, ça sert à rien d'en parler. Enfin, on n'en attendait pas grand-chose. Ce match-là, voilà, je trouvais qu'Alexa Bliss a malheureusement mis un petit peu en lumière ses petites faiblesses qui viennent du fait que elle est là aussi depuis pas si longtemps que ça. Mais je me fais aucun souci pour elle. Mais voilà, un mini flop pour elle. Par contre, un plus gros flop de manière générale sur ma note, puisque je vais mettre 2,75. On est en train de vivre un moment extraordinaire là, unique. J'avais failli mettre que la moyenne, mais je vais quand même mettre au-dessus grâce au main event qui a tout sauvé. Enfin, parce que du coup, c'est quand même l'image de fin qui est la plus importante. Et quand j'ai coupé le... On vient de pas supporté. Giscard, oui, tu disais quand t'as coupé le, et là t'as coupé quoi, le micro en fait? Ah, j'ai coupé. Ah non, je... vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Vas-y, continue. Ok. Non, il y a peut-être eu une petite. Donc le main event, cette belle image de main event. Ouais, belle image de main event qui rattrape quand même beaucoup parce que le match était exceptionnel, mais par contre, enfin, faut quand même dire que c'était quand même un mauvais pay-per-view dans l'ensemble. Allez, non, 2,75 c'est trop gentil, je vais mettre 2,5. Allez. Merde. Non, parce que... Arrêtez, le devient rouge ici. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Déjà, quand je suis assez agréablement surpris des matchs dont j'attendais rien, type Apollo Crews ou Becky Lynch, des trucs comme ça, et que je suis déçu des matchs dont j'attendais beaucoup. Comme Harper et Naomi Bliss, tout ça. Déjà, quand tu fais ce constat-là, c'est que c'est rarement bon signe. Ça donne quelque chose dans l'ensemble de très médiocre. Donc voilà, à part le main event, c'était quand même. Mais qui était tellement exceptionnel que je mets la moyenne. Bon, Amiral, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Mon top, ça va être Bray Wyatt avec la ceinture. Voilà, ça c'est longtemps qu'on attendait, donc vraiment content de voir que ça se profile comme ça, surtout que c'était pas gagné. Mon flop, qui est sur un détail, mais moi qui m'importe sur les Mission Chamber, c'est que j'aime bien voir les gens qui sont dans les pods jouer, interagir, réagir. Il y a que le Miz qui a fait ça, et j'aurais bien aimé notamment la caméra GoPro dans le pod, celle de Wyatt, le voir regarder la caméra en faisant des têtes genre d'horreur, quoi. Et j'aurais bien aimé voir le baron s'énerver dans son pod avant qu'il rentre, etc. Donc je trouve que ça manquait un peu de ça, qui est un des charmes pour moi des Elimination Chamber. Et la note, je vais mettre un 2,5. Comme ça, c'est moyen. Bon, Ringside, et toi alors? Le flop, je vais le mettre au Ziggler, le match handicap là, qui était nul du début à la fin, donc ça c'était un naufrage complet, néfaste en plus pour le Luchador et Apollo fucking Crews. Le top, je le mets dans l'Elimination Chamber à Baron Corbin, qui était vraiment très très impressionnant, et la note, je mets 2,5. Voilà, parce que tout était dispensable. Il y a 2,5 pour l'Elimination Chamber. Très bien. Eh ben alors, écoutez, moi, mon top, je le donne à Luke Harper, qui a joué le jeu en termes de psychologie par rapport au match. Et mon flop, eh ben, à l'inverse, je vais le donner à Randy Orton. Hein, comme ça, on équilibre la balance. Parce que c'est vrai que en relisant mon résumé, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas foutu grand-chose du match et qu'il avait quand même gagné. Alors, c'est pas très agréable. Et donc voilà, et ma note, eh ben, 2,75 en ce qui me concerne, parce que c'est vrai que le main event, cette victoire de Bray Wyatt là était quand même à sauver de tout, mais voilà, pour les raisons qu'on a déjà citées, voilà, 2,75. Alors quand nous avons perdu Giscal, je ne sais pas si on le retrouvera d'ici la fin de cet épisode, donc j'en profite que Giscal disparu. Ah, il le revoilà. Suis de retour. Je crois que j'ai un petit problème de connexion. Ça, c'est la colère qui s'abat depuis que tu as donné 2,5 à ce pay-per-view. En fait, c'est Vince qui me fournit l'internet. Et du coup, je crois que. il était branché directement sur un rack à Stamford. Les oreilles partout. Coupé, directement, il a débranché ma. Ah, écoute, Giscal, on te donne la fibre, mais tu nous mets au moins 4 à chaque pay-per-view. Hein. God damn it, Giscal. Bref, merci à vous messieurs, merci à tous nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur YouTube si vous voulez voir nos sales tronches, mais également sur iTunes ou sur PodCloud ou n'importe quelle plateforme de podcasting pour la version audio. Abonnez-vous, comme ça vous ne loupez aucun épisode. Si en plus vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous avez des petits bonus, comme par exemple on avait balancé nos pronostics inversés. Faudra qu'on fasse le bilan d'ailleurs, je sais pas trop qui est ressorti vainqueur ou plutôt perdant, puisque on privilégie plutôt les défaites au jeu des pronostics inversés. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook Catchup CDC et notre compte Twitter Catchup CDC également. Balance du wrestling, du catch et même des trucs rigolos ou moins rigolos comme des décès de catcheurs par exemple. Ça, c'est, voilà. C'est pas très rigolo. Non, ça. C'est pas très rigolo. Mais bon, voilà, c'est les news. Le prochain rendez-vous pour l'équipe de Catch Up, en tout cas, eh ben, c'est dans quelques jours ou quelques heures. C'est Catch Up Raw. C'est cette semaine, en tout cas, pour la dernière route en direction du dernier pay-per-view avant WrestleMania, hein, Fastlane. Un Raw paraît-il exceptionnel. Un Raw paraît-il exceptionnel. Quel teasing. Quel teasing de Ringside. Puis le supplément comme d'habitude. Voilà, donc encore merci à toutes et à tous de nous suivre. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut. Salut tout le monde. J'ai le même Ours Bailey.